puisqu'au vers que j'écris, votre cœur est fermé et votre oreille sourde. Puisque ma poésie vous fait bâiller d'ennui aux ravissantes gourdes. Pour être dans le bain, j'y mets de la musique de style afro-cubain. Allez-y les bergères, dansez avec vos loups tout au long de mes vers. Puisqu'il n'y a pas d'espoir qu'on se rencontre un jour dans le lit de mes livres. Et puisque le sang noir qui sort de mon stylo jamais ne vous enivre, d'un chacha je vous régale pour mettre des fourmis dans vos cordes cigales. Allez-y les bergères, dansez avec vos loups tout au long de mes vers. Je vous invite au bal, faites-vous une beauté, mettez vos ballerines. Et puis à mon signal, dansez le cha-cha-cha sur mes pieds, sur mes rimes. Pour un coup de vorin, je donne sans regret tous mes alexandrins. Allez-y les bergères, dansez avec vos loups tout au long de mes vers. Ok, ok, ok, ouh. Adieu Victor Hugo, Ronsard et toi Alfred, adieu cher Baudelaire. Je vous quitte le cœur gros, mais dormir avec vous, vraiment j'ai mieux à faire. Derrière votre dos, les muses dansent le cha-cha avec Pérez Prado. Allez-y les bergères, dansez avec vos loups tout au long de mes vers. Mais s'il est parmi vous une fée, une fleur, quelque part sur la piste, qui entend malgré tout, malgré le cha-cha-cha, les mots de ma voix triste. Si elle est parmi vous, cette fille, cette sœur, alors dites-moi vite.